بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل اليوم في هذه القراءة. Donc on poursuit aujourd'hui en rentrant dans Al-Mafsada Al-Khamisa Wal-Khamsin, 55e conséquence de cet appel. Qala fihi ar-ridha bi salati li ghayri al-qibla. Cela amène à agréer le fait de faire la salat en direction d'autre que la qibla. Et ça, on a déjà parlé auparavant. Et à la base, bien évidemment, nous, ça veut dire que leur salat sera rendu valide ou que nous, il nous est permis de faire la salat comme eux. Et chose qui n'est pas permise en religion. Qala fi sadis, fi al-mafsada sadisa wal-khamsin, 56e conséquence, fi ar-raghba an sirat al-mustaqim. Cela amène à ne pas désirer suivre la voie droite. Comme a dit Ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alihim, ghayril maghdubi alihim wa ad-dallin. Comme on l'avait dit auparavant, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Et on avait expliqué qu'il s'agit des juifs et des chrétiens. Qala fi sabi' wal khamsin, 57e conséquence. Fihi libs al-haq bil batil. Cela amène à recouvrir la vérité par le faux. Et la vérité, c'est la religion de l'islam. Alors que Allah Azza wa Jalla a déjà blâmé les gens du livre pour cette action. Comme a dit Allah Ta'ala, Ya ahl al-kitab, lima talbisoun al-haqqa bil-batil wa taktumoun al-haqq wa antum ta'lamoun. Oh vous, gens du livre, pourquoi cachez-vous donc délibérément le vrai par le faux et vous cachez le vrai alors que vous savez? Donc cela mène à ce qu'on agisse de la sorte, car ils sont, soit disant, nos frères. Qala fi thamin wal khamsin fihi ibtigha lid-din ghayr al-islam. Dans la 58e conséquence, cela amène au fait de vouloir, qu'il soit permis de vouloir une religion autre que l'islam. Et ça, on en a déjà parlé auparavant. C'est-à-dire qu'il est permis à la personne d'apostasier. Qala fi tasi' wal khamsin, 59e conséquence. Tamir al-din al-islam wa mafhum al-iman. Cela amène à ramollir, à liquifier la religion de l'islam et également ce qui amène à réduire les conditions de la foi. Car ces gens-là qui appellent au takarub de l'adien, ils prétendent que la foi ne contient que trois points avec lesquels on coordonne avec les gens du livre, d'après eux, qui est la foi en Allah Azza wa Jalla, alors que les gens du livre, la foi en Allah, ils ne l'ont pas complètement. Après, la foi au jour dernier. Également, ils l'ont, mais ils ne l'ont pas complètement. Et Al-Amal al-Salih, ça aussi, eux, ils prétendent qu'il faut faire des bonnes œuvres, et les œuvres qu'ils font souvent, c'est pas des... la place, ce sont des bid'ahs et des khurafat et autres. Quoi qu'il en soit, ces gens-là qui appellent à cet appel, qui se disent musulmines, voient qu'on se rejoint sur ces trois points-là. Donc ils délaissent quoi? Le fait de croire en tous les messagers, le fait de croire aux anges, le fait de croire aux livres descendus, le fait de croire au destin. Et ils ont rajouté Al-Amal al-Salih, qui ne fait pas partie de la base des piliers de la foi. Mais Al-Amal al-Salih, c'est par contre, c'est parmi la foi en elle-même. D'accord? Quand vous savez que la foi, c'est la croyance du cœur, la parole de la langue et les actes des membres. Même, et que cette foi monte et descend en fonction des actes du serviteur. Quoi qu'il en soit, ils ont réduit la foi en étant ces trois choses-là. La foi en Allah, et en fait, ils visent par là la seigneurie et la rububiyya. Et la foi au jour dernier, c'est-à-dire qu'on va être ressuscité et jugé, et le fait de faire du bien. Et on trouve des gens qui ne sont pas des gens du livre, qui ont ces choses-là en eux, qui croient en Allah, à Rububiya, qui croient qu'ils seront ressuscités, ils y croient, et ils font du bien. Mais pourtant, ils disent, moi, je ne suis pas un livre. Je ne me dis ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni kaza, ni kaza. Thumma qala al-hadi wa as-sittin, 61e conséquence. تقدم أنها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وزد على ذلك أنها طعن في رسالته. Nous avons déjà cité auparavant que cet appel est une diffamation du prophète صلى الله عليه وسلم en lui-même. Et il rajoute à cela que cela est une diffamation envers son message. لأن الله تعالى قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dit ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc eux ne reconnaissent pas Mohammed, c'est-à-dire que Mohammed n'a pas été envoyé pour tout le monde, pour eux, d'après eux. Sans quoi ils le suivraient, ils le croiraient. Sans compter les autres adillah qui vont avec. Qala fi thaniya wa sittin, 62e conséquence. Fihi al-i'tiqad an al-Qur'an ghayr muhayyin muhaymin afwan ghayr muhaymin ala al-kutub as-sabiqa. Cela amène à croire que le Coran n'est pas n'abroge pas les livres précédents. Qala ta'ala وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله الايه que dans le sens où Allah dit, nous avons fait descendre sur toi le livre en réalité, confirmant ce qu'ils avaient auparavant, mais abrogeant les règles précédentes. Donc eux, ils ont leur livre. Ça veut dire que si on accepte qu'ils œuvrent selon leur livre, ça veut dire que le Coran n'a pas abrogé leur livre. Donc ça va amener une fois de plus à une confusion. Or, la fi, al-Sali 63e conséquence. Fihi ma zakarou al-Qadi anhum fi da'wat al-Takrib. Celle-là, on va la passer également. Thumma qala fi rabi' 60. 64e conséquence. قال فيه أن هذا القرآن غير صالح لهذا الزمان كما ينادون بذلك بيد الحوارات وهم يريدون التمس حيوته أو حوته حويته حويته. Donc 64e conséquence, cela amène à prétendre que le Coran ne convient pas pour cette époque, comme le disent les gens qui appellent à ce discours avec les chrétiens et les juifs. Donc ils veulent effacer le Coran en faisant cela. Certains pourraient dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait auparavant, c'était pour leur époque. Par exemple, ils reconnaissent qu'avant, il fallait les combattre et qu'avant, kaza et kaza. Après, vous dites, mais aujourd'hui, les choses ont changé, on ne peut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Donc ça mène à dire quoi? Que le Coran, son jugement est temporaire et qu'il ne convient plus à notre époque. Et cela est de la mécréance. Comme encore le Ta'ala, aujourd'hui, j'ai parachuté pour vous votre religion, le verset qui est connu. Donc le Coran, d'accord, son jugement est valable jusqu'à là, jusque le jour où l'heure aura lieu. Mais le Coran sera retiré des poitrines avant cela. Donc on dit qu'aujourd'hui il y a des choses qui ne sont pas applicables du fait que l'on ne remplit pas les conditions pour le faire, mais le jugement reste établi. À bien comprendre la différence entre une chose qui n'est plus valable, chose qui est impossible dans le dîn, et une chose qui n'est pas réalisable. D'accord? Une chose qui n'est pas réalisable. Ça ne veut pas dire que le jugement, lui, est aboli et annulé et supprimé. Non. Thumma qala fil khamis wa sittin, 55e conséquence, al tahakum le ta'arut. Cela amène à juger selon le ta'arut avant de se l'a permis. Car cela amènera à permettre de juger avec ce qui est présent dans la Torah et dans l'Injil. Et on est tous au courant que ces livres ont été modifiés, altérés. Et également, ils ont été abrogés. Donc tout ce qui est jugement autre que celui d'Allah Azzawajal, qui ne coordonne pas avec la religion, est considéré comme étant un ta'arut. Une loi de ta'arut. Quand la fissadis wa sittin, 66e conséquence, fihi, cela amène à abolir également le consensus des muslimines. Lorsque les muslimounes sont unanimes sur une chose, car maintenant on devra prendre en compte l'avis des juifs et l'avis des chrétiens. Chose qui n'est pas le cas. Et on sait bien que l'ijma de cette umma, c'est une hujja, c'est un argument, c'est un dalil. Les adilés sont de quatre catégories en réalité. Il y a le Coran, comme vous le savez, la sunna, d'accord, l'ijma et le qiyas, qui est authentique, le vrai qiyas. Et même celui-là, le qiyas, certains ne l'ont pas accepté. Donc cela amène à supprimer cet ijma, qu'il ne soit plus pris en compte. ثم قال في السابع والستين, 67e conséquence, في تصحيح دين اليهود والنصارى تحت مسمى الاختلاف الآخر. Cela amène à accepter et à valider la religion des Yahoud et des Nansara en disant le fait de reconnaître la vie de l'autre. C'est-à-dire, on ne peut dire que la religion elle est fausse. Ça revient à tout ce qu'on a dit depuis le début. Ça leur revient, tout ce qu'on a dit depuis le début, et on a déjà expliqué dans le Nawaqid de l'Islam, annulatif de l'Islam, le fait de dire, d'avoir pour croyance que la religion des Kuffar est valide. Et qu'elle est bonne. قال في التاسع والستين, 69e conséquence, celle-ci elle se répète également, في المحبة لليهود والنصارى قاتلهم الله. Cela amène à aimer les juifs et les chrétiens et qu'elle les combatte. On a déjà parlé. Après les autres masaïl qui sont la 70e, 71e, elle revient à tout à cela. Kazalik, la 72e, qui est le fait de ne plus pouvoir appliquer les jugements légiférés du Coran qui sont propres à la mécréance des juifs et des chrétiens. Tout cela se ressemble et va ensemble. Également dans la 73e, quand il dit Fi Adam et Tafliq, Beyna Hukmillah ou Hukm Ghaylihi, qu'on ne différencie pas entre le jugement d'Allah et celui d'autre que Allah Azzawajal. Cela également se rejoint tout ce qui a été dit auparavant. Également quand Allah Fil Arabiya wa Sabin, chose qui est déjà cité auparavant, Fi Tafliq min Ajil Kuffar, cela amène à ce que l'on divise par rapport aux mécréants. On l'avait déjà cité ça auparavant également, car il y aura ceux qui vont les défendre et qui vont être d'accord avec eux, et ceux qui seront contre eux, les gens de la vérité. Et une que l'auteur Chouan n'a pas citée, cela également amène à très important, et vous le savez, on parle souvent de ce sujet-là, cela amène à supprimer la hijra, car il sera permis maintenant de vivre chez eux, car ils sont nos frères. Il sera permis de vivre, je parle de la hijra dans les pays des Kitabiyyines, chez les juifs et les chrétiens. D'accord ? Il n'y aura plus de hijra car ils seront considérés comme étant des croyants et on doit unir nos religions. Après la 75e, Kazalik. La 76e, à la fin, elles sont jouées quasiment toutes. Jusqu'à. Jusqu'à là, on va s'arrêter, Inch'Allah, à la 79e. Et toutes celles-ci citées là précédemment, elles rejoignent les autres principales. Ce sont les mêmes choses à peu près. Il détaille un peu plus, il fait des légères différences, mais c'est les mêmes choses. Donc voilà, donc pas trop s'attarder, Inch'Allah, on va les passer. Chez, si les autres ont été comprises, celles-ci rentrent dedans. Elles sont comprises dedans également. Pas bien de le code n'actafi. Walhamdulillah bil alamin.